Sì. Tosh Xemit, qu'est-ce que c'est Xemit? X-Mit, c'est quoi X-Mit? C'est quoi X-Mit? Voilà, donc ça marche. Bon, alors tout le monde s'entend. Alors je pars de là, Ivanov, tu touches plus à rien, et bof, je sais pas, elle lance une grille ou fait un truc si tu veux. Mais non, mais on sait pas faire. Alors, Donati, est-ce que tu peux... Et attends, Donati, est-ce que tu peux nous expliquer comment on crée, par exemple, si on veut faire une session, dont on comprend absolument rien. Là, j'ai peur que ça fasse. Enfin, tu vois, on fait des essais déjà, savoir comment ça marche le truc. Donc, on massacre un peu tout le jump. Désolé, quoi, mais on comprend absolument pas comment ça marche ce truc. On est des musiciens de caravane, hein. On n'est pas très technique. Est-ce que vous m'entendez? Non, non, mais c'est pas grave. Est-ce que... Non, non, mais moi aussi, je suis un musicien de caravane. T'inquiète pas. Alors, est-ce que vous m'entendez? Normalement, ça doit marcher. Est-ce que j'ai... Moi, je continue à transmettre. Vous m'entendez ou pas? Hop là, j'entends un clac. T'as dû brancher un truc dans la batterie. Donc, en fait, depuis le début, bah, je vous entends tous les deux, bah, sauf quand vous transmettez pas et vous mutez le truc X-Mit que je te on dis. On t'entend parfaitement. Réa Ninja. Bah, enchanté. Bah, tu dois t'entendre. Moi, je t'entends bien. Ivanov, si tu réactives ton truc, on pourrait t'entendre. Ivanov, je t'entends. Donc, j'espère moi, que je t'entends très bien. Normalement. Je dit, mais j'entends pas Ivanov. Ah là, ça y est, Ivanov est revenu. D'accord. Enchanté. D'accord. Mais Ivanov, okay. Mets un casque donc, parce que c'est là, insupportable, ça fait un retour. Là... Ouais, moi je vous entends, moi je vous entends. Si, si, mais le problème c'est qu'on est complètement décalé. C'est ça le problème. Moi j'entends très bien. Pour parler en fait, je vais changer. Alors tu vas voir. Pour changer. Et Ivanov, là t'as un casque. Donc là, je me suis mis sur 8 pour qu'il y ait moins de décalage. Ok ? Donc voilà. Ça y est, j'ai plus de casque. Alors. Salut les gars. Donc l'idée, en fait, si vous voulez jammer tous les deux, il y a plusieurs serveurs. Enfin, on peut jammer ensemble, évidemment. Moi, ça me fait plaisir. Mais vous avez plusieurs serveurs. Vous voyez, là, vous êtes sur Ninbot 2051. Et vous avez 9 ou 10 serveurs au choix, ouais, en fait. Et vous pouvez cool vous retrouver aussi sur ce serveur-là ou rejoindre les autres, bah, comme mm-hmm. vous venez de le faire avec moi. Et du coup, bah, tout à fait. Si vous voulez lancer du coup une jam, ben, je veux bien vous suivre. Ben, là, vous transmettez. Donc, j'imagine que vous avez des instruments acoustiques. Donc allons-y. Alors, je vous suis. Voilà. Ok. Alors, ok. Yves, tu veux faire quoi? Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? De la musique. Ouais, ce que tu veux. Moi je suis en mi bémol accordé, mais je peux me réaccorder. Ça vous arrange que je me remette en mi normal peut-être? Ouais, je vais me remettre en mi normal. C'est un blues en mi? Ouais, mais je me réaccorde vite fait. D'accord? Donc déjà pour voir. Parce que là j'étais en bémol. Ok. Je vais muter la transmission pour ma part 20 secondes, le temps d'accorder. À tout de suite. Il y a quelqu'un qui a une batterie là? Je m'accorde. Bah ouais, c'est Donati. Bah alors, on prend une grille d'accord, Yves. Quelque chose de... Yves, allô? Ah, je t'entends bien. Il est batteur. Moi, je propose à ceux qui connaissent un peu les accords, on prend Ok. un 6 mineur 7. Ok, ouais. Et Johnny Greenwood. Et après un 6 mineur 7, on va prendre un mi 7. Mais attends, attends. Et là, attends, oh! Putain, mais déconne, Yves! Ok. Yves! Yves! Essaie de suivre. Il faut suivre le groove que fait Donati, sinon ça n'a pas de sens. Il y a un tempo, même si Ouais. c'est pas le tempo dont tu rêves, Ouais. essaie de le suivre. Donati, envoie un truc J'ai mis à la le test. batterie style blues. Style blues ou funk, ce que tu veux. Oui. Voilà. Et écoute le métronome, monte le volume du métronome si tu as envie. Mets le casque et monte le volume du métronome Ok, si tu as envie. d'accord, ça marche. Ok, d'accord. Ok. Thank you. Ivanov, es-tu sur cette planète? Salut, Ton Wills. Bah, on change, vas-y. Envoie Ton Wills. On t'écoute.